L'épître à Timothée, première épître. Ah, la première? On n'a pas fini. Et on va terminer aujourd'hui la première épître. Hein? On est rendu à 11 aujourd'hui. Donc, la semaine passée, on a fait la colonne des négatifs. Cette année, on va faire la colonne des positifs. On va commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, ta parole est une lumière pour nous. Et ta parole, c'est Jésus, qui est appelé lui-même parole de Dieu. Elle devient notre lumière, il devient notre lumière, pour qu'on puisse te voir, toi. Et quand on te voit, toi, on se voit après. Mais tant qu'on ne t'a pas vu, on ne se voit pas tel qu'on est. Et peux-tu nous conduire encore une fois dans ta parole qui nous dit les choses telles qu'elles sont, afin qu'on puisse te glorifier, qu'on puisse t'élever, qu'on puisse aussi te partager avec les autres d'une façon le plus vraie possible, afin que la vie puisse jaillir en eux par la foi en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Donc, comme je viens de le dire, on est à la fin de l'Épître. Cette Épître qui devait, autant que possible, redresser l'Église qui s'était égarée. Hein? C'est dans les premiers versets de l'Épître, Paul dit, je t'ai laissé là, parce que il y a des gens qui enseignent d'autres doctrines. On ne les énumère pas. Mais en plus d'enseigner d'autres doctrines, ils ont amené dans l'Église des choses qui sont païennes. On va les appeler profanes, on va les appeler stupides des fois, c'est pas le mot qu'ils emploient, vaines, des vains discours, des contes, des fables. Fait qu'on a rentré dans l'Église des choses qui viennent du monde. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on vient du monde, nous. On est sorti de là, on est rentré dans l'Église, on emmène un certain bagage avec nous, et on doit faire le ménage, en s'en allant, on doit enlever ce qui n'est pas de Dieu, et garder seulement ce qui vient de Dieu. Sans ça, je disais ce matin, le Jésus que j'ai cru au début de ma vie chrétienne, c'était le Jésus de l'Église catholique. Parce que je n'avais pas lu la Bible. Je ne pouvais pas savoir c'était qui le Jésus du Nouveau Testament ou de la Bible. Je ne l'avais pas lu. Donc, j'avais dans ma tête une connaissance de Jésus, selon les histoires que j'avais entendues, les catéchismes que j'avais lus, la catéchèse que j'avais appris jusqu'en 7e année. Donc, j'avais appris ça. Et quand on me parlait de Jésus, quand mon frère m'a parlé de Jésus, c'est ce Jésus-là que j'étais dans ma tête. Mais en recevant, je pourrais dire comme ça, la vie, je me suis aperçu que ce n'était pas le même que le Nouveau Testament. Je devais faire du ménage dans mes idées, dans mes faussetés. J'écoutais Don Carson hier qui enseignait sur Matthieu 11, le moment où Jean-Baptiste envoie ses disciples dire à Jésus, après l'avoir identifié au baptême, après avoir vu le Saint-Esprit descendre, après avoir entendu la voix qui parlait du haut du ciel, « Voici mon fils bien-aimé. » 6 mois après, il est en prison, et il envoie ses disciples dire, « C'est-tu vraiment toi ou si on doit l'attendre un autre? » Avez-vous les doutes comment ça peut venir dans la vie des gens? Et là, Don Carson, il dit, ces moments d'hésitation ou de doute ou remise en question viennent du fait que Jean avait une fausse conception du Messie, Jean-Baptiste. Il dit, c'est là le Messie qu'il voyait devant lui, Jésus, ne faisait pas ce que lui pensait que le Messie devrait faire. Parce qu'il avait une idée déjà dans sa tête de tout avait été enseigné à la synagogue, puis de tout avait été enseigné par les rabbins. Donc, il y avait une idée que le Messie ferait, là, quand il interviendrait, quand il apparaîtrait. Et selon lui, il est arrivé. Il a vu la colombe. Donc, je m'attends à ce que tu vas faire ce que moi, je pense que j'ai appris que tu devrais faire. Mais il ne le fait pas. Donc, il remet en question même si Jésus est le vrai Messie. Et c'est la même chose un peu pour Pierre, quand il déclare « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Christ, le Fils de Dieu », quelques versets plus tard. « Ah, Dieu ne plaise, tu ne mourras point !»« Arrière de moi, Satan, tes paroles ne sont que des paroles humaines. » Mais oui, ils ont une mauvaise conception. Et nous, je vous l'ai déjà dit, je pense, hein, la plupart de nos problèmes de vie chrétienne viennent d'une mauvaise conception de la personne de Dieu et de Jésus-Christ. Et de l'œuvre. C'est pas toujours du méchant en nous, entre guillemets. C'est pas toujours qu'on est immoral. C'est qu'on a juste une mauvaise compréhension de qui il est. Et il faut pas arriver à un point qu'on dit, moi, Jésus, là, après 47 ans de vie chrétienne, je le connais. Je sais. Je ne peux pas dire ça. Il faut que je sois ouvert à dire, j'ai à apprendre, j'ai à découvrir, j'ai à enlever certaines choses et à mettre des choses plus vraies, plus adéquates ou plus complètes pour pouvoir bien connaître la personne que je proclame. Et je crois que dans l'Épître aux Timothée, Paul veut redresser ça parce que s'il laisse faire ça, la doctrine va prendre le dessus, la fausse doctrine, et on va mélanger la doctrine avec le monde. C'est la plupart de ce que les églises font en général. On mélange des vérités bibliques avec des choses qui viennent du monde. L'Église catholique, elle a fait ça plein. Elle a fait toutes sortes de choses. Elle a mélangé avec Jésus, la Sainte Vierge, Saint-Joseph. Elle a mélangé toutes sortes de choses. Et elle a fait une religion avec tout ça. Et c'est le... Moi, je dirais ça. C'est la normalité pour nous, les êtres humains, les pécheurs que nous sommes, de faire ça. Donc, il faut toujours être sur nos gardes et dire, il faut que je clarifie, il faut que je purifie, il faut que j'améliore ma compréhension de la personne de Dieu et de Jésus-Christ et de leur œuvre, bien entendu. Mais l'œuvre vient en deuxième. L'œuvre va m'aider à comprendre qui il est, mais c'est faut que je comprenne qui il est en premier. C'est ça qui est important. C'est qui cet être-là? Je parlais cette semaine avec un médecin, puis on jasait de l'éternité. Comment on perçoit l'état dans lequel l'être humain va se retrouver après la mort? C'est complètement étrange pour nous, complètement hors nature pour nous. On est des êtres humains, puis d'un coup, on va devenir esprit. Ah! On est juste esprit tout d'un coup sec. Et c'est presque paniquant. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi ça fait un esprit. Parce qu'on n'a jamais été un esprit sans corps. Nous, on est... L'être humain n'est pas un esprit. L'être humain est un être qui a un esprit. Donc, c'est différent que de dire les anges sont dans leur milieu, eux autres. Les autres sont des esprits, ils sont dans un monde immatériel, ils sont bien là, ils ont été créés pour ça, c'est correct. Mais nous, c'est une autre histoire. Donc, on a vu que Paul a donné des conseils à Timothée. Fais ceci, fais cela. Quand tu mets des anciens, fais comme ci. Quand tu mets des serviteurs, mais fais ça. Quand tu occupes-toi des veuves, fais ça comme ça. Afin de bien conserver la foi et de bien avoir une conscience pure et un amour pur. Et tout au long du Nouveau Testament, je vous l'ai déjà dit, je vais vous le répéter tant que le Seigneur va me donner la capacité, Le Nouveau Testament est un traité théologique, fondamentalement. Et non pas un traité moral. Ils veulent que notre compréhension de Dieu soit exacte. Donc, c'est pour ça que les auteurs sont toujours en train, dans quasiment tous les épîtres, redresser l'Église. Ils sont juste 40 ans après. Tout, on a 2000 ans, fait qu'on a fait des méchantes courbes, des bouts, tu sais. On est revenu, on a fait des méchantes courbes. Mais ils sont 40 ans après, puis ils redressent. L'Épître aux Hébreux. Les chrétiens veulent retourner à la loi. Ben, voyons donc. Faites pas ça. Ils veulent les redresser. Les Thessaloniciens qui croient que Jésus est déjà revenu. faites pas ça, voyons donc, il n'est pas encore venu. Dans Timothée, dans le deuxième épître à Timothée, il va dire, mais il y en a qui disent que la résurrection est déjà arrivée. Ben, voyons donc, on s'écarte, ça fait partie du fait qu'on est encore des pécheurs. Si on ne serait pas des pécheurs, on ne s'écarterait pas. Différence qui est comme pas correcte est où? Parce que, mettons, là, je pense Jésus, il était né dans une... Puis là, là, on a toute l'histoire. On ne savait pas qu'il était venu pour faire un royaume pour son père, pour la gloire du père. Mais concernant Jésus lui-même, c'est quoi qui est comme pas correct par rapport aux catholiques? C'est-tu à propos de le demander, là, mais tu pas le bon temps? Là, tu retournes dans l'Évangile de Jean, puis j'ai fini ça, c'était un matin. Ça. Je ne veux pas y revenir là, ça serait... Mais... D'un gros point... Ils sont dans l'erreur. Ça, je sais qu'ils sont dans l'erreur. Dans tout ce qui concerne sa virginité, le mari, le péché, c'est tout mélangé, ça, cette histoire-là. Okay? Donc, c'est pas le Jésus de la Bible. Parce que Jésus dit, si vous croyez qui je suis, vous allez être sauvés. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Donc, ce n'est pas si vous croyez ce que je fais. Oui, je dois croire ça aussi, bien entendu. Mais si je crois qu'il est ce qu'il a dit qu'il était, le je suis de l'Évangile de Jean, les vingtaines de je suis, tu ne peux pas arriver et dire, je vais inventer un purgatoire. Tu ne peux pas le faire. Si tu as bien compris qui il était, lui, tu ne peux pas. Je dirais que la moitié de la population de ce globe, présentement, croit à Jésus. Un prophète, un grand messie, un grand exemple de renoncement. Ils ont toutes sortes d'idées, là. Un petit Dieu, d'autres ont cru qu'il était un ange incarné. Mais quand tu parles avec eux autres, tu as l'impression qu'ils croient en Jésus. C'est comme ça, c'est comme des ajouts, mettons, sur mes cils. Parce que moi, je n'étais pas une catholique dans le sens, tu sais, je n'allais pas à l'église, rien. Mais quand on me parlait de Jésus, je ne rajoutais rien d'autre. Mais je savais que, bon, il est né d'une vierge, c'était flou, mais l'histoire me disait que, ah, OK, il est né d'une vierge. Il a fui en Égypte. Tu sais, fait que ça, c'est encore conforme. Quand je lis, mettons, l'Évangile de Matthieu, c'est comme ça, me semble, de mémoire, que je me souviens ce que j'avais appris. Fait que ça, c'est encore l'histoire de Jésus, ça, c'est correct. On va finir par en parler pareil. Hein? On va finir par en parler pareil. Hein? On revient à Timothée, s'il vous plaît. On revient à Timothée. Mais c'est une bonne discussion. Okay. On pourra en avoir au souper, si tu veux. Donc... et la semaine passée, on a vu qu'il a parlé... une des choses qui amène l'Église à s'éloigner de la foi, c'était l'argent. On a vu ça ensemble. L'argent est une racine de beaucoup de maux. Et beaucoup ont abandonné la foi dans le désir d'un gain quelconque. Et je crois que si vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir que l'Église a été prise avec ça tout au long de son histoire. Et tout au long de son histoire... Elle fait un peu comme le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Dans la misère, elle crie à Dieu. Dans l'abondance, elle abandonne Dieu. Jacques Alexanien nous avait donné un exemple visuel, ce coup-là, c'est qui m'a aidé à me rappeler. Il présentait l'Église comme un triangle. Il dit, en général, puis là, il divisait le triangle en trois ou quatre parties. Il dit, en général, dans l'histoire, l'Église commence... dans la partie basse de la société. Les pauvres, les orphelins, les veuves, la classe moyenne, tout ça Paul va dire, il n'y a pas beaucoup de riches parmi vous, il n'y a pas beaucoup de ci, de célèbres, de grands, il n'y en a pas beaucoup. Ça commençait là. Mais il dit, la deuxième génération devient plus bien entier. Et là, mais le triangle monte. Là. Fait que plus ça monte dans le triangle, moins qu'il y a de monde. La troisième génération va devenir des chrétiens, puis j'ai connu ça dans... côté anglophone, deviennent en généralement les professionnels de la société. Parce que les enfants ont commencé à aller à l'université, ont des professions, et ils deviennent encore Puis ils ont hérité du bagage des parents en arrière, par-dessus. Et là, quand tu arrives en haut, dans le pointu du triangle, tu n'as plus presque personne. Mais ça va toujours de pair. Quand l'Église devient plus aisée monétairement, elle meurt. On a de la misère avec le concept, mais c'est un fait. On avait étudié avec M. Alexandrien l'histoire de l'Église américaine, quand elle est arrivée dans la colonisation. Et de ce temps-là à aujourd'hui, ils sont devenus la grande puissance du monde. Ils n'ont plus l'Évangile. Même s'il y a la moitié de la population qui se dit chrétienne, ils n'ont plus l'Évangile. Donc, mais ça va en généralement de pair. Donc, il faut se comprendre le principe, puis essayer de saisir qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est comme ça. Donc, la semaine passée, on a vu ça. Donc, il dit, ces gens-là qui veulent voir la religion comme un gain, on appelle ça des fois de la simonie, OK, qui vient de Simon le magicien, qui a voulu payer Pierre pour avoir le pouvoir d'imposer les mains et de faire de l'argent avec ça. Donc, on appelle ça de la simonie. Donc, c'est d'utiliser la religion ou la foi pour un gain personnel. Peu importe quel genre de gain, pour un gain personnel, on appelle ça de la simonie. Donc, beaucoup d'églises sont coupables de simonie jusqu'à un certain point parce qu'on veut tirer quelque chose de cela. Et là, on va voir la contrepartie aujourd'hui. Là, il va dire, pour toi, homme de Dieu. Vous pouvez mettre femme de Dieu si vous voulez, mesdames. OK, donc, il n'y a pas de problème avec ça. Pour toi, homme de Dieu. Donc là, il fait l'inverse. C'est-à-dire, eux autres sont comme ça. Toi, homme de Dieu, il faudra que tu fasses autre chose. Va dans une autre direction que ça. Je ne sais pas si vous aimeriez ça, quelqu'un vous approche. Oh, toi, homme de Dieu. Oh, toi, tu es vraiment une femme de Dieu. Ça ferait peut-être un petit flou. Je ne sais pas. Mais ça, c'était pesant pour Paul. Quand Paul a dit ça à Timothée, c'était pesant pour lui. C'était vraiment un compliment qu'il lui faisait. C'était un compliment. Hein? Oui, qu'il lui faisait. Là, il va dire deux choses à cet homme de Dieu-là dans le verset 11. Gaétan, voudrais-tu lire le verset 11? Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Donc, encore une fois, il va mettre ça avec deux colonnes. Il va dire, fuis ces choses. De ce qu'il vient de parler, là. L'appât du gain, l'argent, la gloire, la popularité. Fuis ces choses. Mais comment est-ce qu'on peut fuir? C'est la question que je me suis posée. Comment est-ce qu'on peut fuir quelque chose qui est partout autour de nous et même en nous? Dans l'histoire, vous avez vu des gens qui ont fui, ont essayé de fuir. Ils ont fui dans des couvents. Ils ont fui dans des grottes. Ils ont fui dans des monastères. Ils ont fait des vœux de pauvreté, des vœux de chasteté, des vœux. Ils ont fait toutes sortes de choses. Ils ont fui le monde pour ne pas être tentés d'abandonner ou tentés de faire. Ils ont fui. Mais tu fuis où? Tu t'en vas où? Quand tu fuis. Tu sais, quand tu fuis le lion, là, tu pars dans une direction, mais si tu t'en vas, là, tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas. Tu vas fuir longtemps, là, puis peut-être tu ne trouveras pas la planche de salut que tu voudrais trouver. Mais si tu as un point de regard, tu dis, mais je fuis parce que là-bas, il y a une maison que je ne vais pas rentrer dedans. Le lion ne pourra pas rentrer dans la maison. Ça, je comprends ça. Mais la fuite en elle-même n'est pas une solution. Mais il dit, fuis ces choses. Et la seule façon de fuir en restant à la même place, c'est de rechercher. C'est l'autre côté de la médaille. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, vous ne pourrez jamais faire le vide en vous. Parce que fuir, c'est faire le vide. Tu fuis. Non, je fais abstinence de tout ça, je ne veux pas rien savoir. Je vends ma TV, je jette ma boisson, je fais plus ci, je fais plus ça, je fais plus ci, je fais plus ça, je fais plus ci. Quelques années après, tu rajoutes une TV, tu rajoutes une pinte, une bouteille de vin, puis tu t'assieds avec ta femme, tu regardes un bon film. Bon, c'est ce qu'on a fait, la plupart, ben, pas la plupart, certains d'entre nous. Parce qu'on a fui, mais on n'a pas fait l'autre côté de la médaille. Il dit, tu vas réussir à fuir ces choses-là en recherchant d'autres choses. Voyez-vous la différence? C'est que je me détourne de certaines choses, mais pour combler, pour faire un vide, je ne vais pas faire de vide, donc je vais rechercher autre chose. Je vais remplacer par quelque chose de plus spirituel, plus éternel, plus qui reflète la vie que j'ai reçue en Dieu, en Jésus-Christ. Il dit, recherche la justice, la piété, la foi, la charité ou l'amour, la patience et la douceur. Ça vous rappelle-tu quelque chose? Ça fait penser au fruit de l'esprit un petit peu. Et ça fait penser à ça. Je ne dirais pas que c'est ça. Parce que le fruit de l'esprit, c'est quelque chose de souverain en nous, de la part de l'esprit. Mais on va rechercher la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Ce sont les autres des choses spirituelles. Tu vas changer le côté matériel par des choses spirituelles. On ne fera pas tout le décortiquer tous les mots, mais tu vas changer les choses qui ont un impact seulement ici-bas dans le monde, qui sont nécessaires pour le monde dans lequel on vit. Mais on va les changer pour quelque chose de spirituel qui va avoir une portée éternelle, une portée continuelle à la gloire de Dieu. Donc, c'est comme ça que tu vas réussir, mon Timothée, à fuir en recherchant autre chose. Et si moi, on prenait le temps, je vous décrirais ici l'armure du croyant. La justice, l'amour, la piété. C'est un peu la même idée ici. Là. Tu recherches les choses spirituelles, tu comptes ta vie de choses spirituelles, et ça va faire un contrepoids. Parce que la tendance qu'on a, c'est parce qu'on est des êtres humains ici-bas, et encore pécheurs, c'est qu'on emmagasine les choses de ce monde plus que les choses spirituelles. Il dit, il va falloir que tu inverses ça un peu, mon Timothée, pour que tu puisses le faire si tu veux réussir à fuir. Parce que si tu ne recherches pas, tu vas tomber dans le panneau comme les autres. Si tu ne cherches pas autre chose, tu vas t'attacher aux autres choses. C'est ça qu'ont fait les autres. Il ne faudra pas penser que les autres, du verset 1 au verset, mettons, 1 à 11, à 10, qu'eux autres, là, c'était des méchants. Non, c'est qu'ils n'ont juste pas recherché les bonnes choses. Ils ont recherché la pâte du gain, ils ont recherché les choses de ce monde de façon plus intense, je dirais dire, que spirituelle. Donc, automatiquement, ils ont tombé dans le panneau de vouloir le gain de ce monde. Et si, Timothée, si tu ne fais pas la recherche spirituelle, tu vas tomber dans le panneau. C'est juste une question de temps. C'est pas quand, c'est juste une question de temps. Tu vas tomber. Parce que c'est inévitable. C'est comme ça, les êtres humains, on est. On est fait de même. C'est ça qu'il va répéter d'une autre façon dans le verset 12. Combat le bon combat de la foi. Je crois que la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, c'est pour ça que je vous dis que ça me faisait passer à l'armure, parce que tout de suite après, il dit « combat ». Donc, j'ai besoin de ces choses-là pour combattre. Donc, ça va devenir mes instruments de combat. OK? Je vais combattre le bon combat de la foi. Et je ne sais pas combien de fois, je n'ai pas eu le temps de chercher, ou je n'ai pas pensé de chercher vraiment, combien de fois la vie chrétienne est présentée comme un combat, comme une guerre, comme un soldat, comme... On a vu dans Éphésiens, hein, vous avez un combat, non pas contre les choses de ce monde, mais contre les choses spirituelles. Il y a un combat. Et le combat, c'est jamais quelque chose de facile. Jamais quelque chose de facile. C'est un combat, donc il peut y avoir des blessures, je pourrais dire, des petits coups que tu vas recevoir. Mais il y a combat de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire, combattre le combat de la foi? Qu'est-ce que ça veut dire? Êtes-vous engagé la semaine passée à faire ça, mettons? On met ça pratique, là. Est-ce que la semaine qui vient de passer, je me suis j'ai vraiment l'impression que j'ai combattu. J'ai combattu le combat de la foi. J'ai-tu cette impression-là ou si je dis, ben, vois-tu, entre toi puis moi, j'ai pris une semaine off. Est-ce que je l'ai? Est-ce que j'en suis conscient ou je ne suis pas conscient que c'est ça? Des fois, on n'est juste pas conscient qu'on est dans un combat de foi, pour la foi. On s'habille pas de l'armure. On n'a pas l'impression que la vie chrétienne est vraiment un combat. Des fois, notre combat qu'on pense, nous, là, c'est le combat d'une tentation. Okay, j'ai une tentation, puis là, je vais combattre la tentation, je vais prier pour ne pas tomber dans le péché. On pense que c'est ça, le combat, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas un combat avec le péché, c'est le combat de la foi. C'est différent un petit peu. Gardez la foi. Le combat de la foi, là, l'apôtre Jude va dire, combat afin de garder la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. C'est pour ça qu'on a vu depuis le premier chapitre, de nouvelles doctrines, des contes, des absurdités, toutes sortes de choses qui rentraient dedans. On n'a pas gardé, on n'a pas combattu l'idée que je vais être attaqué, j'ai tendance à emmener de la fausse doctrine, j'ai tendance à emmener des choses du monde, puis de dire, pour justifier que je le fais, je vais essayer de dire, mais Dieu n'est pas contre ça, c'est pas mauvais. On va essayer de justifier que c'est correct. Fait qu'on emmène ça dans l'Église ou dans notre vie personnelle. Mais le combat de la foi, c'est que je m'engage à combattre pour garder la foi. Pas ma foi, là. Détomperez-vous, là. Je ne fais pas un combat pour que je vais mourir avec la foi, là. Tu sais, je veux garder la foi. Non, c'est pas. Il ne parle pas de votre foi ici. Il parle de la foi. OK? Parce qu'il y en a qui meurent dans la foi, mais ils n'ont pas eu la foi. Ils n'ont pas gardé la foi. Ils ont juste gardé une foi en quelque chose. Mais ils n'ont pas gardé la foi transmise une fois pour toutes par les apôtres et Jésus-Christ. C'est ça le grand défi de l'Église. Garder la foi. Et c'est si je ne fais pas ça, l'Église est en mauvaise posture. Et je suis en mauvaise posture, et l'Église est en mauvaise posture. Parce que l'Église, c'est, on a vu ensemble, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Mais je crois que chacun de nous, on doit trouver notre place dans le combat de la foi. Chacun de nous, on a un rôle à jouer. C'est pas une personne qui va jouer ce rôle-là. C'est toute l'Église qui doit s'impliquer dans le fait de dire, on va ensemble combattre. Parce qu'on est un corps, on est un peuple. On ne confrontera pas l'ennemi tout seul. On est un peuple. Donc, on est tous ensemble pour travailler, pour combattre contre l'ennemi qui s'en vient. Donc, ce n'est pas individuellement notre petite lutte, là. OK? Donc, quand Timothée est appelé ici en tant que leader, intérim du moins, à Éphèse, il combat la foi pour l'Église aussi en même temps. Pour lui et pour l'Église. Et c'est important, parce qu'on a vu dans le chapitre 4, il dit, si tu fais ça, tu vas te sauver toi-même et ceux qui te suivent. Donc, il y a quelque chose qui est impliqué là-dedans. Et là, il dit une autre chose qui tomberait dans le côté, je ne sais pas si je devrais dire positif, mais un autre ça. Saisis la vie éternelle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? N'as-tu qu'on d'autres traductions? Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Conquérir. C'est bon, c'est bon. Conquérir, ça veut dire quoi? Ça vient avec le combat, là. C'est une victoire. Okay? Donc, il y a quelque chose qui vient avec ça, là. Saisir, quand tu dis je l'ai saisi, ça veut dire quoi, selon vous? Quand vous dites je l'ai attrapé, puis je l'ai serré, je l'ai saisi, c'est pas j'ai juste touché, je l'ai flatté, je l'ai saisi par le corps, tu sais, là, puis je vais te dire un gros câlin, je l'ai saisi, là, tu sais. C'est ce qu'on veut dire par saisir en général. Là, il m'a dit de saisir la vie éternelle. Afin de vivre avec Dieu pour toujours. Je répète. Combat le bon combat de la foi. Combat le beau combat au service de la foi. Afin de vivre avec Dieu pour toujours. Oh! Oh. Parole de vie 2017. Ouais. OK. C'est quoi, c'est la parole de vie, ça? OK. Mais c'est le mot saisir, c'est vraiment prendre avec la main. C'est ça que ça veut dire saisir. J'ai saisi mon marteau, j'ai saisi cette. Je prends par la main quelque chose que, avec laquelle je vais tenir ferme. Là, il dit saisir la vie éternelle. C'est un langage qui n'est pas fréquent dans le Nouveau Testament. Et comment on peut faire ça? Là, il décrit le mot. On va aller un peu de l'avant, puis on va reculer. À laquelle tu as été appelé, à la vie éternelle, okay? Tu as été appelé à ça, et pour laquelle tu as fait une belle confession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. Donc, il dit, un jour, tu as professé la foi, tu as professé la vie, que tu avais la vie éternelle, tu as dit que tu avais la vie éternelle, tu l'as déclaré devant un grand nombre de personnes, maintenant, saisis-les. S'attache à des choses d'ici-bas. Parce que là, il vient de nous mentionner là, justice, piété, foi, amour, c'est la même chose, ça, en réalité. Saisir la vie éternelle, c'est comme saisir les choses spirituelles qui sont de le Seigneur Jésus. Oui, c'est ça. C'est-tu comme un... Je crois que ça rejoint l'ensemble de l'Épître quand il dit, mets-le en pratique, fais-le maintenant. C'est ça. Tu l'as professé, fais-le maintenant. Saisis la vie éternelle, vis-la. Vis-la, parce qu'on sait bien que c'est pas physique, je ne peux pas saisir ça comme ça au passage. Il va juste dire, vis-la maintenant. Tu as fait une belle profession, vis-la. Démontre-la. Oui, ça va encore un peu dans cette direction-là. Et on va voir le mot saisir, tout à l'heure, il va revenir un peu plus loin dans le texte. Saisis la vie éternelle, vu qu'on l'a, on a fait profession de l'avoir. Maintenant, je vais la prendre, je vais la vivre. C'est comme si je vous disais déclaré que j'avais un beau gros marteau dans ma boutique. Puis là, tu me vois planter un clou avec ma chaussure. Je dis, ben, ça n'a pas grand sens ce que tu dis là, mon élève, ce que tu fais là. Tu nous as dit que tu avais un beau gros marteau. Qu'est-ce que tu fais là, planter un clou avec ta chaussure? Va chercher ton marteau, saisis ton marteau et plante ton clou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que ça, c'est dans ce sens-là que ça va. Il faut qu'il y ait une forme de conséquence entre les deux. Non, profite de ta chance. Non, ça peut faire saisir le éternel. Profite. Profite, c'est plus. Utilise. Oui, utilise. Si tu utilises. Pour moi, c'est il y a une action que je dois faire de saisir quelque chose. Donc, comment je vais saisir la vie éternelle? Ben, ce n'est pas quelque chose de matériel. Donc, comment je vais la saisir? Comment je vais la rendre véritable? C'est en la mettant en pratique, cette vie-là. Et ça vient compléter un peu l'Épître, parce que l'Épître, c'était tout le temps, ils disent, mais ils ne connaissent pas, ils disent, mais ils ne font pas, ils disent, mais ils n'ont pas une conscience pure, ils disent, mais ils ne font pas ci, ils disent, mais ils enseignent d'autres choses. C'est toujours la même idée qui revient. Eux autres, ils disent quoi? Mais ils sont là pour un gain. Toi, tu dis que tu es là pour la bonne raison, mais saisis la vie éternelle. Saisis-la, mets-la en pratique, utilise-la, prends-la par le cou, on pourrait dire, pour glorifier ton Dieu dans ce sens-là. Verset 13. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu et ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Donc, fini avec une doxologie qu'on appelle. Je te recommande devant Dieu et devant Jésus-Christ. Puis là, il met Jésus-Christ comme en parallèle avec lui. Tu as fait confession de foi, toi, de la vie éternelle. Timothée, tu as confessé la vie éternelle. Mais Jésus aussi a confessé quelque chose. devant Pilate. Je vais voir Jean 18, verset 37, je pense. Oui, et? Le matin, ça dit, Jésus dit, je suis la vérité. Je suis venu pour dire la vérité, donc je suis la vérité. Et Pilate, il dit, qu'est-ce que la vérité? Mm-hmm. C'est-tu à ça vraiment que ça fait référence? Je crois que oui, en partie. Ouais. Mais je crois que ce que Timothée veut dire ici, Jésus a fait une confession de foi, il a saisi ce qu'il avait dit. Il le met en pratique. Il l'a vécu. Il est allé à la croix. Donc, ce n'est pas juste confesser quelque chose. Il a vécu quelque chose. Okay? Donc, c'est plus que juste confesser. Donc, c'est... Parce que Timothée a fait une confession de foi, puis lui dit « saisis la vie éternelle ». Jésus a fait une confession de foi devant Pilate et il l'a mis en pratique, cette confession-là qu'il avait faite. Lui, il revient, il dit, je te recommande, là, si je saute par-dessus, devant Dieu, devant Jésus-Christ qui a fait confession de foi, je te recommande de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je te recommande, ou je te commande, le mot, j'aimerais mieux le mot commande, parce qu'une recommandation, pour moi, c'est toujours à mon choix. Dans ma tête, là, je te recommande le pâté chinois, je te recommande la Corse Light, je te recommande... C'est toujours... Je peux dire oui puis non, c'est correct. Ton « je recommande » est à quel verset, quoi? Verset 13, au début du verset 13. Ah, oui, « je t'ordonne ». C'est ça, c'est le sens du mot. « Je te commande » ou « je t'ordonne » de garder le commandement. Quel commandement? Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu par-dessus toutes choses. C'est quoi le commandement ici? Je vous suggère, ça veut simplement dire garder la foi. C'est un mot qu'on peut interchanger. Garde le commandement qui est venu du Seigneur Jésus-Christ. Garde le commandement. Il le met au singulier. S'il aurait voulu parler de commandements, il aurait dit « garde les commandements ». Là, on aurait peut-être pensé les 10 commandements. Mais le commandement, c'est de recevoir la foi et de prêcher la foi, de garder la foi. Donc, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à la semaine prochaine. Jusqu'au retour du Seigneur. Timothée dit, « Ah ouais, t'es-tu en train de dire que je vais voir le retour du Seigneur? » Non, ça veut dire jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de ta vie. Si le Seigneur revient dans ce temps-là, c'est correct. Mais s'il ne revient pas, tu vas le garder jusqu'à la fin. Tu vas mourir en faisant cela. Donc, vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition, ça veut dire quoi? C'est-tu vivre sans péché, ça? Pense pas, hein? Parce qu'on fait des péchés. On est des êtres encore pécheurs. Mais... Il parle, ne change pas la foi, ne change pas le commandement, ne change pas ça. Ne sois pas trouvé parmi ceux qui ont changé la foi. Ne retourne pas avec ceux qui ont mélangé la foi avec d'autres choses. Quand Jésus va venir te chercher, Timothée, sois quelqu'un qui a gardé la foi. Pas qui croit, là, je vous le dis tout à l'heure. Qui a gardé la foi ou l'évangile proclamé par Jésus et les apôtres. C'est ça qu'il est en train de dire. Si tu as mélangé l'évangile avec d'autres choses, hein, c'est juste tout bad. C'est juste tout bad. Ça ne passera pas. Moi, je pense à Paul quand il dit, dans, je pense que dans Romains, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Mm-hmm. C'est pas qu'il a gardé, lui, sa propre foi, sa capacité de croire. Il a gardé la foi. J'ai combattu et je vais mourir avec la foi que j'ai reçue de Jésus lui-même. Je ne l'ai pas changé, je ne l'ai pas adopté à la société, je ne l'ai pas transformé, je n'ai pas enlevé certaines choses qui étaient offensives pour la société. J'ai dit ce que la Bible disait avec douceur, avec respect, Pierre nous dit, mais je n'ai pas changé. C'est un peu un parallèle avec ce qu'il dit ici dans Timothée. Gardez la foi. Ouais. Donc il dit... Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Le Seigneur va mettre en apparition. Le retour du Seigneur, là, des fois, on se pose la question, des fois, on se dit, qu'est-ce qui va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Comment ça va arriver? Puis là, on se pose un paquet de questions qui sont jusqu'à certains points légitimes, mais pour le vendredi soir. Pour le dimanche, c'est d'autres choses. Le dimanche, là, il dit, l'apparition du Seigneur Jésus-Christ va faire de quoi de magnifique. Le retour du Seigneur, ça va manifester quelque chose. Cette arrivée-là du Seigneur Jésus, là, ça va être grandiose. Il dit qu'il manifestera en son temps, quand il va apparaître, le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu et ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Amen. C'est toute une déclaration qu'il fait là. C'est quand Jésus va arriver, là, il va manifester, il va vous faire voir Dieu. Il va dire, vous avez toutes sortes d'idées par rapport à Dieu, vous avez peut-être des idées incomplètes, du moins, et je vais vous en montrer, moi. Il va vous en mettre plein les yeux. Il va nous montrer quelque chose qu'on n'est même pas capable de s'imaginer aujourd'hui. On va essayer de vous imaginer c'est quoi les nouveaux cieux, les nouvelles terres, à quoi ça va ressembler. On a l'Apocalypse, mais c'est plein d'images. Les rues en or, les murs en diamant. Ça ne m'intéresse pas fort. Mais ça va être quoi, ça, cette histoire-là? Ça va ressembler à quoi? Ça va être quoi notre passe-temps favori? C'est quoi ce qu'on va faire? Et ça nous apparaît un peu des fois dans les nuages. Mais la question, ce qu'il dit, ça va, l'apparition du Seigneur Jésus-Christ va manifester, va dévoiler la personne de Dieu. Ça va dévoiler ce qu'on a voulu essayer de voir. Tu sais, l'apôtre Paul, il dit, vous voyez comme à travers un voile, comme à travers un miroir qui n'était pas clair, vous voyez en partie, c'est toujours des vous voyez, mais vous êtes loin d'avoir tout vu. Il dit, quand il va apparaître, il va vous montrer toute la présence de Dieu. Et ça, là, ça va être... Exactement. Alors, je pense qu'on va tomber sur notre face et qu'on va adorer Dieu. Si on a encore une face à ce moment-là, parce qu'on va être changé, hein, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Et là, au verset 17, il va dire, là, il tombe dans un autre domaine. Il revient à l'argent. Il avait dit de le fuir, ça, ce désir-là. Maintenant, il va s'adresser aux riches. Je sais que vous avez toute votre définition du mot riche. C'est quoi un riche? Et un riche, c'est toujours en train de se dire avec qui je me compare. Si je me compare avec M. Amazon, je l'appelle demain, je ne me souviens jamais son nom. C'est un pauvre comme la gare. OK? Si je me compare avec Bill Gates, je suis un pauvre comme la gare. Puis si je me compare avec des gens, même depuis très vite, je suis encore un pauvre. Ça dépend de qui on se compare, hein, la richesse. C'est... Mais le mot riche, c'est... Comment est-ce qu'on peut l'évaluer? C'est entre vous et le Seigneur de prier pour vous-même, dire Seigneur, est-ce que moi je fais partie des riches? Sinon, ça ne s'adresse pas à vous, ça. Si oui, ça s'adresse à vous et à moi. Ça s'adresse à vous et à moi. Ça ne s'adresse pas aux voisins, ça s'adresse à moi. Si je pense que je suis un riche, si je pense que je ne suis pas un riche, je suis allé en Afrique du Sud, je vous garantis, je pensais que j'étais un riche, là. J'étais parmi le VIP. Dans les, comment est-ce qu'on appelle ça, les pourvoiries, puis le vin à flot, puis j'étais sobre, j'ai fait attention. Mais tu voyais ça, là, tu dis, puis là, j'ai fait un petit bout à pied, des grands bouts à pied, mais j'ai passé devant la maison des guides. J'ai dit, je suis riche. Ça dépend de qui on se compare, hein. c'est tellement subtil, l'idée. Mais regardez ce qu'il dit aux riches. Recommande aux riches du présent siècle, du siècle présent ou du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Oh. Ça ne nous touche pas personne. Non. Orgueilleux. Est-ce que les richesses poussent à l'orgueil? Je vous dis oui. C'est assez simple à dire. Je dirais oui. Bien, si vous n'êtes pas des riches, ça ne vous concerne pas. Mais si vous êtes des riches, absolument, on est orgueilleux de nos possessions. Hein? On est orgueilleux de nos possessions et on veut les montrer, on veut que les gens voient. notre standing de vie, on veut que les gens voient, on est orgueilleux. Puis des fois, quand on parle de ceux de la classe sous nous, nos paroles ne sont pas toujours clean-clean. Hein? Puis quand on parle, ceux qu'on pense vraiment par-dessus nous autres, c'est pas clean-clean non plus. Donc, c'est juste les gens comme nous qui sont corrects. En haut, c'est des voleurs, en bas, c'est des paresseux. Mais mais là, pourtant, il dit, ceux qui sont riches du présent siècle, on va dire les choses de ce siècle, dis-leur de ne pas être orgueilleux. Donc, il sous-entend qu'ils sont orgueilleux. Parce que tu n'as pas besoin de leur dire de ne pas l'être s'ils ne sont pas. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. C'est difficile de mettre notre confiance en quelqu'un quand on a comblé nos besoins par nous-mêmes. N'est-ce pas? C'est plus... On est des individualistes au Québec. On est tous des individus, puis on a toutes nos petites affaires, puis on est des individualistes en grande partie. Et si vous avez... On a tous l'exemple dans le Nouveau Testament du jeune homme riche. Il a préféré ses richesses à Jésus-Christ lui-même. Donc, et c'était... Et pensez-vous qu'il en était orgueilleux? Je crois que oui. Mais de mettre son espérance en Dieu, dans les richesses incertaines, il semble que c'est plus difficile. Parce qu'on a tendance à s'appuyer sur nos possessions, sur notre capacité de pourvoir nos propres besoins. Donc, la veuve qu'on a vue, la vraie veuve. La même idée que... Mais c'est l'idée de tout le Nouveau Testament. C'est un peu l'idée derrière. Puis c'est pour ça que d'ailleurs, je vous ai dit, quand Israël était dans la pauvreté, il criait à Dieu. Quand il était dans les richesses, il abandonnait Dieu. Il n'avait plus besoin, là. On n'a plus besoin. On est capable de pourvoir nos besoins, on a de l'argent, on a nos ci, on a nos ça. On pourvoit. On planifie dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. On est OK. On est OK. On a fait nos réserves. Et c'est plus dur à ce moment-là de mettre notre espérance en Dieu. Nous, on dit, ah, je mets mon espérance à Dieu juste pour mon salut. Le restant, je m'en occupe. Mais c'est probablement la même chose avec la santé. Tout ce qu'on a comme compte, c'est la même chose. Ben oui, ben oui. Il n'y a pas de l'argent. Ici, dans notre texte, oui. Parce que la santé n'est pas présentée comme un des problèmes qui fait que l'Église abandonne la foi. Elle n'est pas présentée comme ça. Ici, ça présente quelque chose qui fait que l'Église abandonne la foi. Okay. Remarquez bien, puis l'apôtre Paul, il n'est pas en train de dire à Timothée, « Fais-leur vivre un trip de culpabilité. » C'est pas ça qu'il est en train de leur dire. Et c'est beaucoup plus positif que ça, que ce qu'il est en train de dire. Mais de le mettre en Dieu qui donne avec tous en abondance. Donc Dieu nous donne pour qu'on jouisse des biens de ce monde, qu'on en profite de ce qu'on a, de la nourriture, de la maison, on profite de ça. Là, il dit au verset 18, « Recommande-leur aux riches de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité et de la générosité. » Pourquoi faire ça? Pourquoi la différence entre libéralité et générosité? Qu'est-ce que libéralité? La libéralité, à ce que j'ai lu, ce que j'ai pu comprendre, c'est la disposition du cœur à être généreux. Okay? La libéralité, c'est les deux donnent. Mais un semble être plus le côté... de la disposition du cœur qui veut donner. Et la générosité, c'est quand tu donnes. Si tu dis, je suis un homme libéral, une grande libéralité, mais que tu ne donnes pas, mais tu peux prendre le dictionnaire, la rousse... Ouais, parce que comment tu pourrais avoir une grande libéralité si tu n'as pas de générosité? Ouais, c'est ça, ça n'existe pas. C'est ça qu'ils disent, tu dois avoir les deux. Parce que comment tu peux être généreux? Mais j'en ai donné une définition de la libéralité, puis si je trouve qu'elle ne fit pas, c'est une définition du dictionnaire, puis ça ne fit très pas. C'est quoi tu avais? Moi, la libéralité, c'est les gens qui vont donner à outrance. tu reçois des amis puis tu donnes plus que c'est nécessaire comme pour te faire aimer. Mm-hmm. C'est être plus généreux que généreux. Mm-hmm. Toujours pour. Ça ne fait pas avec notre ça texte. Ça ne fait pas avec le texte, mais c'est ça, moi, j'avais comme définition dans mes. Mais vous pouvez aller voir, je suis allé voir, faites des recherches. Mm-hmm. Puis il y en a qui. Ça, parce que là, ben, c'est pas ça la tendance c'est qu'on a en tant que chrétien. Non, c'est pas la tendance qu'on a, mais c'est peut-être ce qu'il nous recommande, par exemple. Ben, il nous recommande de donner au-delà. Tu penses pas, la Bible, elle nous dit pas de donner au-delà. Elle nous non, dit. La libéralité, c'est négatif. C'est pas positif. C'est oui. Pas quelque chose. Moi, dans ma définition, c'est négatif. Ouais. C'est pour ça que Paul ne peut pas recommander ça aux riches. Ben, c'est parce que dans la définition, c'est sûr que si c'est pour. Comme on dit, pour avoir, recevoir des de l'attention. Fait que t'acheter des amis. C'est la nature humaine, ça, je suis même pas d'accord. Mais peut-être justement pour que ça vienne du cœur, pour que ce soit. Il y a des dictionnaires, des interprètes aussi qui disent les deux sont donner avec largesse. Oui, c'est d'être généreux, on sait que ça veut dire quoi, d'être libéral, moi je dirais sans distinction, sans intention de vouloir manipuler ou de vouloir faire de quoi comme ça. Mm-hmm. Mais là, il donne la raison. Fais ça dans le but de quoi, verset 19? Et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide, afin, voyez-vous le mot qui revient là? Oui. Afin de saisir la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il y en a qui prennent ça pour quoi ici, vous pensez? Ça saute aux yeux, là, c'est biblique, ça saute aux yeux. Il y en a qui disent, François, tu vois bien que c'est ça que ça dit? Les récompenses dans le ciel. C'est une certitude. C'est comme on avait vu peut-être dans d'autres chapitres dans Timothée, c'est que tu es plus sûr de ta foi en faisant. Ben de là. Tu sais, tu avais parlé de ça, comme une assurance et s'assureront une assurance. C'est pas. C'est dans ce sens-là aussi. C'est pas la preuve de ta foi. Aussi, une foi sans les œuvres, la seule sans les foi. Mais je crois qu'il dit que tu t'amasses quelque chose. Donc, tu sais qu'on dit souvent. Tu t'enrichis en donnant, tu t'appauvris en gardant. Alors, vous avez déjà entendu ce dicton-là? Ouais. Donc, il dit, si tu donnes, tu fais des bonnes œuvres, tu fais du bien, tu es riche en bonnes œuvres, ou tu fais de la libéralité, de la générosité, tu vas t'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Ben, c'est ça. C'est le trésor du fondement solide. Moi, je pense que c'est ça que tu vas aller te chercher. Un peu comme Chantal a dit, c'est le fondement solide. Ça va être ça ton trésor, tu sais, qui est placé sur le fondement solide de la foi, de la vie éternelle, de l'Évangile, dans le fond. C'est un petit peu comme ça qu'il le voit. C'est pour ça que ça enlèverait, ça permettrait aussi d'enlever les récompenses. Les récompenses. Parce qu'en faisant de même, tu vas saisir la vie éternelle en faisant cela. Donc, si tu ne le fais pas, mettons que tu es un riche et tu ne le fais pas, tu ne t'amasses pas un trésor sur un fondement solide. Tu ne saisis pas la vie éternelle si tu ne le fais pas. C'est ça que je suis obligé de faire sur le côté négatif. Je peux pas juste d'un côté. Si tu fais ça, en faisant ça, tu t'amasses un trésor sur un fondement. Le trésor et le fondement, c'est deux choses différentes. Tu t'amasses un trésor sur un fondement. C'est pas le trésor, c'est le fondement. Tu t'amasses un trésor sur le fondement, un fondement solide, et ainsi tu vas saisir la vie éternelle. Donc, l'auteur est en train de dire, en faisant cela, tu vas manifester ta foi, tu vas manifester ta compréhension de l'Évangile, tu vas manifester que tu n'es pas là pour accumuler des biens de ce monde, mais tu es là pour faire avancer l'œuvre de Dieu, tu es là pour faire progresser l'œuvre de Dieu, tu es là pour saisir la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, c'est comme l'antipode d'amasser des trésors sur un fondement. Parce que c'est ça. Oui, c'est ça, la vie éternelle ou la vie véritable. Mais l'autre, si tu t'amasses un trésor sur un fondement qui n'est pas solide, ça serait quoi? Sur les futilités du monde. C'est ça, tu t'amasses un trésor ici-bas. C'est ça, ton trésor à toi ici, il va pour, comme Jésus dit ailleurs, les mythes vont y manger, la pourriture, la rouille vont y manger. Donc, mais il dit, mets ton trésor sur un fondement qui est solide, qui va subsister dans l'éternité. Donc, en faisant ça avec tes richesses, tu te déposes un fondement. Tu n'es pas en train de gagner ton salut. Tu es juste en train de manifester ton salut. Est-ce que ça peut aussi enrichir ta foi? Moi, c'est un peu comme ça, je le voyais comme si ça enrichissait ta foi. Ton trésor, là, que tu vas chercher ton trésor. Là. Non, je crois qu'il est en train de faire l'opposition avec les ceux d'en haut, les autres docteurs, qui sont, eux autres font un gain pour le moment présent, pour le monde ici-bas. C'est pour ici-bas qu'ils le font. Donc, c'est pour ça que c'est un fondement pas solide. Et toi, si tu le fais sur un fondement solide, tu le fais à cause de la foi, pour la foi. Et ainsi, tu saisis la vie éternelle. Tu vis vraiment ce que tu proclames. Parce que tu proclames que l'éternité est plus précieuse et plus importante qu'ici-bas, mais ta façon de vivre manifeste le contraire. Tu amasses juste ici. Donc, ça manifeste le contraire de ce que tu dis. Parce que, pardonnez-moi, je suis un comptable, fait que, faites des colonnes. Où est-ce que vous mettez votre argent, votre temps? Où est-ce que vous mettez? C'est-tu tout dans la même colonne? Pour les choses ici-bas, ou s'il y a une autre colonne au côté, la vie éternelle, saisis la vie éternelle. Vous savez compter comme moi, là. Faut pas s'en faire à croire, c'est juste ça la réalité, là. C'est que nous, on dit ça, mais quand c'est le temps de passer à l'action, on arrête. On le fait pas. Pour des raisons X. Puis, on a chacune les nôtres, nos raisons, des fois, mais on ne le fait pas. Mais il dit, si tu le fais, parce que si tu ne le fais pas, tu ne t'amasses pas de trésor sur un fondement solide. Donc, ton trésor va se détruire avec toi. Et là, où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est la même chose, c'est la même vérité. Puis, Jésus nous a avertis à plusieurs reprises, tu ne pourras pas avoir les deux. Tu ne pourras pas avoir les deux maîtres. En réalité, notre trésor, ici, on accumule, on a un gros compte en banque, exemple. C'est bon, tu as ton trésor, mais quand tu en donnes, tu accumules un trésor spirituel. C'est que, par rapport au Seigneur. Oui, c'est une. Il ne faut pas arriver maintenant, plus je vais en donner, plus mon trésor va être gros. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Non, mais tu as un trésor ou tu ne l'as pas. Okay? Tu vas en avoir un trésor de l'autre bord ou tu n'auras pas. Et ta façon d'agir avec tes biens vont manifester ça. C'est tout simplement comme ça. Pourtant, dans tous les domaines de la vie, on sait que c'est comme ça. On investit là où on croit que c'est important. C'est ce qu'on fait. On est des êtres intelligents. On le sait que c'est comme ça qu'on agit. Mais nous, on est de ceux qui avons fait une belle profession de foi, qu'on était appelés et qu'on a eu la vie éternelle. Est-ce qu'on le montre avec les richesses que Dieu nous a accordées? C'est à vous devant Dieu de prier, de regarder, de voir ce que c'est que vous faites avec ces vérités-là que Paul enseigne à Timothée ici. Verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt. Le dépôt? Tout ce qu'on vient de la foi. Le trésor de la foi, ou la foi elle-même. Je vais vous donner quelque chose qu'on va voir dans la deuxième épître. J'ai aimé ça, puis c'est la première fois que je le remarquais. Ça m'arrive, des fois, je remarque des choses nouvelles. Paul, il dit, j'ai l'assurance que Dieu va garder mon dépôt si je garde son dépôt. Il dit, moi, je garde le dépôt qui m'a été donné parce que j'ai l'assurance que lui va garder mon dépôt. Même affaire. Mais dans les sous aux serviteurs, c'est des non-croyants. Okay. Les non-croyants, la façon qu'ils vivent leur vie, démontre qu'ils n'ont pas d'espérance l'autre bord. T'sais, on n'a pas d'espérance l'autre bord. Ils font tout pour ici-bas, tout simplement. Et donc, ceux qui qui l'investissent pour le maître, leur don pour le maître, bien, ils montrent qu'ils ont intérêt pour le maître. L'autre va le cacher dans la terre, puis il dit, j'avais peur de toi, puis etc. Donc, il dit, toi, va-t'en dans l'enfer. Donc, c'est un peu les mêmes vérités, parce que je crois que Dieu... C'est une parabole, et qui était enseignée pour les inconvertis, pour qu'ils puissent venir vivre pour Dieu, consacrer leur vie à Dieu, leur Créateur. Garde soigneusement ce qui t'a été confié. Oui, le dépôt. Tu t'es donné quelque chose. Donc, en évitant, là, comment tu vas le garder? Voyez-vous, il n'y a jamais de vide. Tu vas garder le bon dépôt en faisant d'autres choses. Tu vas juste t'asseoir dessus et dire, je le garde, je m'assieds dessus. Non, tu vas dire, en évitant des discours vains, profanes, les disputes de fausses sciences, dont font profession quelques-uns qui ne se sont détournés de la foi. Donc, c'est ceux-là qui sont toujours en train de baratouiner toutes sortes d'affaires, là, qui nous amènent des choses de ce monde, puis ils veulent les hanter dans l'Église. Éloigne-toi de ceux-là. Toi, occupe-toi pas de ça. Éloigne-toi. Évite ça. S'il le faut, même, tasse-les, ou toi, va-t'en. Mais ne reste pas. Si tu tombes dans le panneau des grandes discussions, quoi qu'on avait, on savait qu'on était avec les deux petits mormons. À un moment donné, c'est ça, je me suis rendu compte, on tourne. Là, on a des discussions par rapport à un prophète, puis les plaques en or, puis ça. On discute, mais finalement... Puis si on joue trop avec ça, bien, il y a un danger pour nous aussi. Donc, il dit... Garde le bon dépôt en évitant ça. Quand vous voyez ces choses-là qui commencent à emmener des choses spirituelles, mais vous savez que ce n'est pas de la foi, moi, je vous dis, détournez-vous de ça. Commencez pas à jouer avec ça. Prenez-vous pas pour Samson. Non. On va tasser ça. C'est pas ça que la Bible parle. C'est pas ça que Dieu parle. Faites attention à toutes ces... Moi, j'appelle ça ces spiritualités. On est dans une société très spirituelle. Et on veut entrer la spiritualité... Ça rentre dans nos écoles. J'écoute mes petits-enfants, La spiritualité entre dans les écoles, à pleine porte. On rentre dans le cœur des enfants des choses qui ne viennent pas de Dieu. Puis les autres, plus tard, ils vont penser que ça vient de Dieu. De la spiritualité. En réalité, si on n'écoute pas un faux, il n'y aura plus personne pour l'écouter, il va arrêter de parler. Oui, en partie. C'est ça que l'apôtre Paul va dire, ne le recevez pas chez vous, ne lui dites pas salut. C'est ça que ça veut dire un petit peu. Donc, ne passez pas votre temps avec des gens qui professent des faussetés s'ils ne veulent pas écouter. Moi, ce qui m'a toujours impressionné, à un moment donné, ce qui m'a impressionné, c'est de voir que Jésus, il n'était pas à la recherche des gens qui ne voulaient pas écouter. Il parlait à ceux qui le suivaient, qui voulaient écouter. Tu me suis? Moi, tu n'as pas de dire ce que tu as, je vais en dire le matin, je vais te prêcher ça. Mais si tu ne veux pas me suivre, là, moi, je ne courrai pas après toi, là. Je n'irai pas me battre avec toi. L'autre fois, j'ai dit ça à une personne. Pourquoi tu t'acharnes à lui parler et qu'elle ne veut même pas t'entendre? Elle te dit qu'elle ne voulait pas m'entendre parler. Pourquoi tu t'acharnes? Tu te sens-tu bien quand tu as fini? Tu sais, je ne sais pas, moi. Pourquoi tu t'acharnes sur quelqu'un qui ne veut pas m'entendre parler? Vous ne voyez jamais Jésus faire ça. Là. Jésus, lui, il répondait aux questions des gens non sympathisants. Parce qu'il venait à lui et il posait des questions, il répondait. C'est lui, si vous autres, vous voulez, si des gens vous posent des questions, mais même si vous pensez que c'est une question un peu traître, vous pouvez répondre quand même. Mais vous n'êtes pas à la recherche des gens qui ne veulent pas rien entendre. Vous êtes à la recherche des gens qui veulent entendre. C'est ça qu'on fait, hein? On recherche des gens qui veulent entendre. Donc, c'est ça qu'il dit, évite toutes ces discussions vaines et folles avec des gens qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent rien entendre. Et peut-être dans 6 mois, quelqu'un m'a dit deux fois, quelqu'un m'a écrit, « Ouais, ça fait 20 ans que je parle avec ma famille, ils veulent rien savoir. » Prends tes distances pour 6 mois, pour 1 an, pour 2 ans, retourne-y après. Peut-être qu'ils ont changé, peut-être qu'ils ont envie d'autre chose. Je ne sais pas. Mais jamais Jésus a couru après quelqu'un pour lui parler de la foi. Jamais. On ne voit pas ça dans aucun évangile. C'est toujours les gens qui venaient à lui, tout le temps. J'aimerais ça, ça serait toujours demain. Les gens courent après moi. Dis, François, enseigne-nous. Ça serait... Mais en même temps, je crois que dans nos conversations de tous les jours, dans nos conversations de tous les jours, on peut saisir des occasions-là. On peut dire, ouvrir une porte, dire un mot. Comme je l'ai partagé l'autre jour, j'ai dit, oui, mais il n'y a pas juste ça dans la vie. Il y a un côté spirituel aussi à la vie. L'occasion se présentait bien. Si le cœur est ouvert, il est ouvert. S'il n'est pas ouvert, il n'est pas ouvert. Ici, il est ouvert, il va dire, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, je me souviens quand mon petit frère Denis est arrivé chez nous. Il m'a parlé de la foi. Mais j'étais tout d'un coup ouvert par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu ne dis pas ça? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu... Où tu as pris ça? Puis... Donc, tu savais comme je me posais des questions. Enfin, j'avais posé des questions, posé des questions. Mais il n'a pas trouvé quelqu'un qui était contre. Donc, je crois que Dieu a utilisé ça à ce moment-là. Donc, le Seigneur puisse nous aider à participer, toute la gang, ensemble, on participe à redresser l'Église et la maintenir dans la vérité. Et ça, on a chacun notre rôle à jouer. Je vous l'ai dit tout au long de l'Épître. On a tout notre rôle à jouer. Si tu ne sais pas quel rôle que tu as à jouer, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Parce que tu devrais le savoir, parce que ça fait tout, on est tous là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et on devrait savoir. Ça veut dire que tu ne le fais pas, mais si tu le ferais, tu saurais de qu'est-ce que tu veux faire. Mais qu'est-ce que Dieu m'a appelé? Qu'est-ce que Dieu m'a donné comme capacité pour m'investir là-dedans et dire, je veux participer au fait de redresser l'Église dans sa doctrine et de la garder dans la doctrine. Donc, on peut prier là-dessus, en tant qu'Église, en tant qu'individu, afin que Dieu nous dise, nous allons laisser à la génération en arrière de nous l'Évangile le mieux possible. Ça serait facile si on pouvait juste leur laisser une Bible. Voilà, tu vois la vérité. Lis-la. Ça serait facile, mais ce n'est pas tout à fait ça que Jésus nous a demandé. Donc, que ça puisse nous aider, et on va terminer dans la prière. La semaine prochaine, on va faire 2 Timothée, Dieu voulant. Et on va... ça va être un peu différent dans la deuxième épître. Paul va devenir beaucoup plus personnel avec Timothée. Beaucoup plus personnel. Là, il ne s'adresse plus à l'Église comme telle. Il va s'adresser à un individu. Est-ce que ça s'applique à nous? Est-ce que c'est là pour nous aussi? Est-ce qu'on doit dire, ben, c'est pour Timothée, donc c'est pas pour nous, on ne s'en occupe pas? Ou bien non, si ça nous regarde, nous autres aussi, ce qu'il va dire à Timothée. Donc, priez pour moi, afin que Dieu me donne de bien comprendre les textes. Notre bon Père du ciel, merci. Merci encore une fois de ces exhortations. Donne-nous la grâce de fuir ces choses en recherchant les choses qui ont une portée éternelle. Donne-nous de planifier nos vies dans nos horaires, dans nos temps, de planifier nos vies pour qu'on puisse rechercher les choses qui sont éternelles et qui te donnent la gloire qui t'est due. Et aussi en tant que société ou que personne à qui tu as confié des biens, donne-nous la capacité de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces biens-là pour redresser l'Église, pour peut-être garder l'Église dans la vérité. Donne-nous d'être libéral, d'être généreux, de faire des bonnes œuvres avec ce que tu nous as confié afin qu'on puisse s'amasser un trésor sur un fondement solide. Parce qu'un trésor ici-bas, c'est pas solide. Mais un trésor sur un fondement éternel, c'est solide. Donc, Seigneur, aide-nous aussi, comme tu dis à Timothée, que tu dis aux riches de ce monde, saisissez la vie éternelle à laquelle vous avez fait une profession de foi. Saisissez-la et ne la lâchez plus. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Gaëtan. Merci encore une fois, François. J'aimerais vous lire quelques versets, plusieurs versets, dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. Ah, parce que c'était dans Jean 3, ça dit yes.

couronné, ses pieds ont été percés, ses mains ont été percées par les clous. Il a été rejeté de tout le monde, également de son père. Mais ça, c'est les quelques heures, les dernières heures qui ont passé sur la terre. Et c'est là que lui le compte à son nom. Nous allons prendre, nous allons partager ce que tu as dit, parce qu'on est une famille, on va partager le pain et la coupe. Ensuite, on va écouter un chant. Et après cela, ceux qui aimeraient s'adresser au Seigneur, on sera lieu de le faire. Donc, partageons ce pain, cette coupe. Rappelons-nous ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur cette terre, ce qu'il a dit et ce qu'il a accompli. Le dernier souper qu'il a pris avec ses disciples, il a pris le pain, il l'a rompu, il l'a partagé avec eux, en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Mangez. Ensuite, il prit la coupe, la partagea également. En leur disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Fais ceci en mémoire de moi. Jésus, Fils de Dieu, le trésor. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour le... Merci que dans ta parole, tu nous parles. Tu nous parles de toi, tu nous parles, tantôt François nous enseignait sur, sur la foi, sur le dépôt. Guide-nous, garde-nous, Seigneur, afin qu'on puisse garder la foi, persévérer en ton nom. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, notre Dieu, tu es digne de recevoir toute la louange, l'honneur, la gloire qui te revient. Nous désirons te dire combien on est privilégiés pour ce que tu as connaître à nous, Seigneur Dieu. Puis, merci parce que les vérités sont là. C'est toi qui nous enseignes ce qui est vrai. Seigneur, on te prie, Seigneur Dieu, que quand on abandonne des choses dans nos vies, Seigneur Dieu, qu'on puisse les remplacer par ta vérité, tes paroles, Seigneur. Merci pour l'enseignement de Saint-Paul. Merci parce qu'on peut prendre le repas, Seigneur, pour te glorifier. Oui, notre bon Père du ciel, le jour vient où nous serons avec les anges, avec les 24 vieillards, avec l'assemblée du peuple de Dieu en robe blanche. Et nous allons chanter, comme on vient d'entendre, gloire à l'agneau sur son trône. Merci que c'est grâce à toi, grâce à ce que ce soir-là, quand tu as dit, je mets le comble de mon amour. Je veux vous montrer à quel point je vous aime. Et subir la mort, subir la colère de Dieu, c'est bien ça le comble de l'amour. Tu as bien voulu le faire, afin que finalement on puisse contempler celui qui est assis sur ce trône de cristal, ce trône en or, ce trône qui jette des éclairs et des tonnerres. Ô Seigneur Dieu, de nous de saisir à quel point nous connaissons peu de toi, que nous avons besoin d'en connaître plus. Nous avons besoin de mieux comprendre ta personne, tes attributs, ta Trinité. Oh, c'est un grand privilège. Et comme je voyais ce matin, comme tu as dit à Nicodème, il faut que tu aies la vie, Nicodème, pour voir le royaume de Dieu. Il faut que tu naisses de nouveau pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et tu nous as fait ce privilège à ceux d'entre nous qui croyons sur ces choses. Nous pouvons voir, mais nous voyons en partie seulement. Donne-nous, Seigneur Dieu, de l'espérance de voir plus à cause de la croix. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci, mon frère. Thank you.